بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض المخالفات الاعتقادية أو القولية أو العملية المتعلقة بالتوحيد. Donc aujourd'hui, on va parler de certaines erreurs que les gens commettent dans la croyance ou dans leurs paroles ou dans les actes et qui sont relatives au tawhid et qui touchent au monothéisme. وقبل أن ندخل في الموضوع كمقدمة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام ليؤدي الرسالة في مكة كان يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بمعنى أنه كان يبدأ بشرح التوحيد الذي هو أصل الدين وينهى الناس عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويوضح ويبين لهم أن كونهم يؤمنون بالله كخالق السماوات والأرض هذا لا يكفيهم ولا يجعلهم يعني مجرد إيمانهم أن الله هو خالق السماوات والأرض هذا لا يجعلهم على ملة إبراهيم لأنهم مع إيمانهم بالله في ربوبيته في أنه الخالق المالك الرزاق المحيي المميت يعبدون معه آلهة أخرى كاللات والعزى وغيرها من الآلهة التي هي إما شياطين أو إما موتى يعني رجال صالحين دفنوهم في الجاهلية أو غير ذلك من الآلهة فيعبدونها هم يعبدون الله ويعبدون هذه الآلهة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يفرق بين الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له وبين المشركين الذين مع إيمانهم بالله يشركون به كما قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فبدأ بهذا الأصل واستمر على هذا إلى مماته فبجانب بيانه وتبليغه أحكام الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام وغير ذلك كان دائما يستمر على بيان التوحيد وشرحه وتفصيله ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهذا في حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد إني أنهاكم عن ذلك فانظروا بعد أن أدى الرسالة وبعد 23 سنة أمضاها في تبليغ رسالة الله وفي بيان التوحيد من آخر ما يقول قبل الموت يتعلق بالتوحيد وبالتحذير من الشرك فيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين كمساجد يعني كأمكنة للصلاة والدعاء لماذا؟ لأن هذا العمل وإن لم يكن شركا في نفسه ولكنه يؤدي مع الزمان مع طول الزمان ومع الجهل ونسيان التوحيد يؤدي بالناس إلى الشرك إلى أن يعبدوا أصحاب هذه القبور من الأنبياء والصالحين. المهم يعني المراد في كلامي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ ببيان التوحيد واستمر على ذلك إلى الموت ولو كان مشغولا ببيان الأحكام وبالجهاد، لكنه كان لا ينسى بيان التوحيد، وكان يغضب له كما جاء في بعض الأحاديث عن أبي واقد الليثي في قصته المعروفة، حكى رضي الله عنه أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، وهذا بعد فتح مكة، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فمروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقالوا هؤلاء المسلمون الجدد من الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قربهم بالكفر لم يسمح لهم بهذا الكلام ولا عذرهم بهذا، بل غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه بين قول اليهود لما طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها محسوسا وبين قولهم اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعكف عندها. المراد بهذا البيان وبهذا المثال أنهم كانوا جددا في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول يعني هذا لا شيء، هم جدد في الإسلام وسوف يفهمون والمهم أن نبقى مجتمعين ويعذر بعضنا بعضا إلى آخره، لا، نبههم بل غضب صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الخطأ الذي يتعلق بأصل الدين بالتوحيد، فكان لا يترك الأخطاء والاجتهادات في هذا المجال، بل ينبه ويحذر ويشرح ويبين. وكذلك إذا أرسل رسلا يعني أرسل دعاة إلى الجهاد يوصيهم بالتوحيد وبالبداءة بذلك، فانظروا يعني قبل موته بقليل لما بعث معاذا إلى اليمن أول ما قال له اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بمعنى أنهم إذا فهموا التوحيد وطبقوه يعني اجتنبوا عبادة الأصنام وعبادة غير الله وكفروا بالطاغوت الآن تعلمهم الصلاة، فالمعنى أنه يبدأ بتحقيق هذا الأصل وبتصحيح هذا الأصل في هؤلاء القوم وهذا المجتمع الذي سوف يدعوهم إلى الإسلام. Donc comme introduction, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait quand il s'est levé à Mecca pour appeler les gens et qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'appeler les gens à l'islam, c'est qu'il leur disait la ilaha, il leur disait dites la ilaha illallah et vous réussirez. Il a commencé par ça. Et il a commencé par leur expliquer que même si ils croyaient en Allah en tant que créateur, en tant que celui qui donne la nourriture, en tant que celui qui fait vivre et qui fait mourir, ça ne leur suffisait pas pour pouvoir prétendre être ceux qui suivent Ibrahim. Parce qu'en même temps, ils adoraient des idoles. Des idoles qui représentaient soit des shayatines, ou des hommes qui étaient enterrés, des hommes pieux qui étaient enterrés dans la Jahiliya, ou autres, et qu'ils prenaient comme intermédiaire entre eux et Allah. Donc il leur a expliqué la différence, et il leur a montré le tawhid, qu'Allah Azza wa Jal, par lequel Allah Azza wa Jal l'a envoyé, et qu'Allah Azza wa Jal a imposé aux êtres humains, qui est l'adoration pure d'Allah. Alors que eux croyaient en Allah et l'adoraient, mais en même temps ils adoraient d'autres divinités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour différencier entre les monothéistes qui n'adorent qu'Allah et les mushrikines, les associateurs qui adorent Allah et en même temps adorent d'autres divinités. Ils croient en Allah, mais ils croient aussi que d'autres divinités méritent qu'on se prosterne pour elles, qu'on sacrifie pour elles et qu'on les adore. Comme Allah les a qualifiés dans Surat Yusuf, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant mushrikin, c'est-à-dire qu'en étant associationniste ou alors polythéiste. Donc c'est par ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, par montrer ce qu'était le monothéisme tel qu'on l'entend dans l'islam, le tawhid. Et ce tawhid, il n'y a que dans l'islam qu'on le comprend comme ça. C'est-à-dire que pour les musulmans, il n'y a pas d'autre religion monothéiste que l'islam. On ne parle pas des trois religions monothéistes. Pour nous, il n'y a qu'une seule religion monothéiste. Parce que les autres aussi, ils adorent des saints, ou ils adorent des rabbins, ou ils adorent Isa. Et pour nous, ça, ce n'est pas du monothéisme. C'est le même monothéisme qu'avaient les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient des idoles en dehors d'Allah, tout en croyant qu'Allah est le seul Dieu, est le seul créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué ainsi, tout en expliquant les règles comme la salat, la zakat, le jeûne, tout en combattant fi sabilillah, il donnait l'importance au fait d'expliquer le tawhid tout le long de son message. Et il a continué ainsi jusqu'à sa mort, au point que, un peu avant de mourir, alors qu'il était sur le lit de mort, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dernières paroles, comme Aïcha l'a rapporté, il a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des endroits de prière. Et ne prenez pas leurs tombes comme des endroits de prière, car je vous l'interdis. Donc, on remarque ici que, parmi ces dernières paroles, c'est une mise en garde qui est relative au tawhid, c'est-à-dire au monothéisme. Parce que le fait de prendre comme endroit de prière les tombes des prophètes ou des hommes pieux, même si en soi-même c'est pas du shirk, mais c'est un moyen d'arriver au shirk. Et c'est quelque chose qui fait que les êtres humains, petit à petit, avec le temps, et avec l'oubli et l'ignorance, tombent dans l'adoration des gens qui sont enterrés parmi les prophètes et les hommes pieux. Donc, il allait jusqu'à couper les moyens et les portes qui peuvent ouvrir un chemin vers le shirk. Donc, il a expliqué le tawhid et il a prévenu contre le shirk en profondeur, et ce jusqu'à sa mort. Et il n'hésitait pas à se mettre en colère aussi pour ça, comme on le verra par la suite dans un hadith où un compagnon, il raconte que, alors qu'ils étaient nouvellement convertis à l'islam, après la victoire de la Mecque, ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la conquête de Hunayn, la ville de Hunayn, pour la bataille de Hunayn. Et ils sont passés à côté d'un arbre que les polythéistes prenaient comme un arbre auquel ils accrochaient leurs armes et auprès duquel ils se retiraient pour la baraka, pour méditer, etc. Et quand ces jeunes compagnons nouvellement convertis ont vu ça, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un arbre comme ça, auprès duquel ils chercheraient la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahu Akbar, inna hassunan » « Voilà les erreurs des gens d'avant, voilà les traditions de ceux d'avant. Vous venez de me dire, comme les juifs ont dit à Moussa, fais-nous une divinité comme eux ont une divinité. » C'est-à-dire qu'on sait que Banu Israël, ils ont demandé à Moussa de leur inventer un dieu concret, un dieu qu'on voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la demande de ses jeunes compagnons d'avoir un arbre pour la baraka à la demande des juifs d'avoir un dieu qu'ils adorent devant eux. Donc il a été loin dans le fait de blâmer leurs paroles parce qu'elles touchaient au fondement de l'islam qui est le tawhid. Et de la même façon, quand il envoyait des prêcheurs, il leur apprenait à commencer par ça. Comme par exemple, en l'an 10, donc un peu avant sa mort, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, sache que tu vas vers des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, et que donc la première chose à laquelle tu les appelles, soit l'attestation de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, il a dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils adorent Allah uniquement. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières dans le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il ne leur ordonne les 5 prières qu'une fois qu'ils ont assimilé le tawhid et qu'ils l'ont accepté et qu'ils se sont écartés de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et qu'ils ont mécru au tarout sous toutes ses formes. Donc il a dû commencer par ça, Mu'adh ibn Jabal. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de commencer ainsi. فمن هذه المخالفات لبس الحلقة أو الخير أو عموما التمائم، يعني التمائم، والمراد بالتمائم هي هذه الأشياء التي يعلقها الإنسان إما على عنقه مثلا أو على عضده أو على ولده أو سيارته أو بابه أو غير ذلك. ولماذا يعلقها؟ رجاء جلب النفع أو دفع الضر، يعني يعتقد أن كونه يتعلق هذا الشيء يجلب له الخير، البركة أو الشفاء أو الشفاء أو غير ذلك، ويدفع عنه المكروه يعني الشر، وهذا الشيء يحفظه وغير ذلك. هذا يسمى التمائم، جمع تميمة. Donc la première erreur qu'on va voir, c'est le fait de porter ce qu'on appelle tamaim, c'est le pluriel du mot tamim, c'est-à-dire les talismans. Donc ça peut être un fil, ça peut être une halaqa, c'est-à-dire comme un bracelet, ou autre chose. C'est tout ce qu'on porte, que la personne elle va accrocher par exemple à son cou, ou alors elle va l'accrocher ici, ou elle va le porter dans sa poche, ou elle va le faire accrocher à son enfant, ou à sa voiture, ou à la porte de sa maison. Pourquoi ? Pour que ça lui ramène un bien, de la baraka ou une guérison ou quelque chose, ou que ça repousse de lui un mal. C'est-à-dire, il croit que le fait de porter ou d'accrocher cette chose, ça va repousser de lui tout ce qui est mauvais. Les shayatines, ou alors la malchance, ou la maladie, ou l'ayn, etc., etc. Donc on appelle ça une tamima, un talisman, ou alors au pluriel on dit التمائم. فورد في هذا الموضوع بعض الأحاديث التي تدل على أن هذا العمل وهذا الاعتقاد من الشرك ومن أعمال الجاهلية. فالحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق يعني من علق على نفسه تميمة فقد أشرك. ما وجه هذا العمل أو ما وجه كون هذا العمل من الشرك؟ وجهه أن هذا الإنسان يعتقد أن هذا الشيء الصغير الذي ربما لا يجاوز الأسبوع يحفظه أو يدفع عنه ما قدر الله عليه أو غير ذلك من الأشياء، أو يجلب له من الخير ومن النفع ما لم يكتبه عليه. هذا لسان حاله، يعني هذا الإنسان الذي يحمل تميمة أو يتعلقه، لسان حاله يقول: أنا أعتقد أن هذا الشيء سيجلب لي بعض الأشياء النافعة الجيدة من دون الله سبحانه وتعالى، أو هذا الشيء سوف يحفظني من بعض الشرور وبعض المصائب من دون الله سبحانه وتعالى. فكأنه يزعم أن الله لو قدر عليه شرا هذا الشيء الصغير يدفعه عنه، أو أن الله لو لم يكتب له بعض الأشياء الطيبة هذا الشيء يجلبها له. هذا لسان حاله يقول هذا الكلام، فجعل هذا الشيء الصغير الجامد بمنزلة رب العالمين في جلب الخير ودفع الشر. هذا وجه كونه شركا. Donc le premier hadith, il y a plusieurs hadiths qu'on va lire dans ça. Le premier, c'est le hadith dans lequel le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui porte un talisman a commis du shirk. Ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc celui qui porte une tamima ou qui se l'accroche, a commis du shirk. Donc premièrement, on peut se poser la question, en quoi c'est du shirk ? En quoi celui qui fait ça, il aurait associé à Allah? C'est parce que celui qui le fait, comme on a dit, il pense que cette chose, cette petite chose qui ne dépasse pas la taille de mon doigt, elle va lui rapporter un bien ou elle va lui repousser un mal. Donc en fait, c'est comme s'il disait, même s'il ne le dit pas, mais c'est comme s'il disait que cette chose, elle peut lui ramener du bien en dehors d'Allah, ou elle peut le protéger d'un mal en dehors d'Allah. Et c'est comme s'il disait: ce bien que je veux, même si Allah ne me l'a pas écrit, c'est cette chose qui va me le ramener. Et cette chose qu'Allah, ce mal dont je veux être protégé, même si Allah me l'a écrit, cette chose, elle va le repousser de moi. Donc finalement, ce petit objet, il l'a mis à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Parce que qui peut te ramener une guérison? Qui peut te protéger des shayatin? Qui peut te protéger du Aïn? Qui te ramène la baraka si ce n'est Allah Azza wa Jal? Il n'y a qu'Allah qui peut faire ces choses-là. Donc croire ça à propos d'un petit objet, c'est mettre ce petit objet à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une des explications qui fait que cette chose est du shirk. Et en encore une autre qu'on va voir après. وَلِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَى فَقَطَعَهُ وَتَلَى قَوْلَهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. يعني هذا فعل صحابي رضي الله عنه حذيفة. يعني رأى رجلا في يده خيط من الحمى يعني من بعض المرض فقطعه. يعني انظروا هذا الإنكار بشدة، أنكر عليه بشيء من الشدة. لماذا؟ مع أن الأصل في الإنكار وفي الدعوة هو الرفق والرحمة. وفي هذه الحالة حذيفة رضي الله عنه أنكر عليه بشدة فقطع هذا الخيط من يد الرجل بدون أن يستأذنه، فقطعه ونزعه وقال يعني منكرا له وتلا قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فوصف هذا العمل بأنه شرك. Donc regardez un autre hadith. Donc on peut appeler ça un hadith, mais plus communément, on va appeler ça un athar. C'est-à-dire plus généralement, les savants, surtout les savants à notre époque, ce qui vient d'un compagnon, ils appellent ça un athar. Et à l'époque des salafs, ils appelaient ça aussi, ou pour beaucoup d'entre eux, ils appelaient ça aussi un hadith. Comme si ça venait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu ibn Abi Hatim, dans son tafsir, a rapporté que Hudhayf ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a vu un homme qui portait un fil contre la maladie dans son bras. Alors Hudhayfa, il lui a arraché et il lui a récité le verset où Allah a dit « La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. » Donc il a qualifié son action de croire que ce fil va le protéger d'associationnisme, c'est-à-dire de shirk. Et en plus, regardez comment il l'a blâmé avec dureté. Alors que la base dans le fait de réprimander le mal, c'est la miséricorde, c'est la douceur, ça c'est la base. Quand on fait l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, la base c'est de le faire avec douceur et de le faire avec pitié et miséricorde pour les gens. Mais là, Hudhayfa, il a employé un autre usloub, une autre façon de faire, qui est la dureté. Sans lui demander la permission, il l'a arraché et il l'a blâmé. Donc bien sûr, ça il faut aussi le reprendre dans son contexte. C'est-à-dire, même si on dit il l'a blâmé avec dureté parce que c'est du tawhid, ça ne veut pas dire que forcément nous, dans le contexte dans lequel nous on vit, on va faire ça. Parce que Hudhayfa, il est dans un certain contexte. Il est dans un contexte où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort il n'y a pas longtemps. L'islam, il est répandu. Le tawhid, il est répandu, il est clair pour tout le monde. Et en plus, c'est un compagnon, donc c'est quelqu'un que les gens respectent. Et que personne n'osera, donc personne n'osera élever la voix sur lui. Donc lui, il pouvait se permettre dans cette situation de le faire de façon dure. C'est pas comme nous maintenant, par exemple, on verrait quelqu'un faire ça, on va lui arracher. Puisque déjà, pour lui, il a aucune considération pour nous. Pour lui, on n'est rien de spécial. Alors que Hudhayfa, c'était un sahabi. Et aussi parce que ces choses-là, elles ne sont pas claires comme elles l'étaient à l'époque de Hudhayfa. Donc le conseil, c'est plutôt de revenir à la base qui est al-rifq. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma kana al-rifq fi shay'in illa » Zana. À chaque fois que la douceur est dans quelque chose, elle l'embellit. Et l'autre hadith qui dit aussi, Inna Allah yu'ti 'ala al-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah donne quand on emploie la douceur ce qu'il donne quand on emploie ce qu'il ne donne pas quand on emploie la violence, c'est-à-dire comme résultat, comme baraka, etc. Wa fi sahihay al-Bukhari wa Muslim an Abi Bashir al-Ansari رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذا الحديث من أبي بشير الأنصاري يحكي رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا في الناس وأمره أن لا يبقين، بمعنى لا يترك، لا يدع في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر هو الحبل في السهم، فكانت العرب في الجاهلية يستعملون هذه الأوتار، يعني من هذه السهوم التي حاربوا بها واستعملوها في الحرب، فيأخذون أوتار هذه السهوم فيتبركون بها، يعلقونها على رقبة البعير، وما يعلق على رقبة البعير يسمى القلادة. فهم كانوا يتخذون هذه القلائد من الوتر، لأنهم إذا استعملوه في الحرب يظنون أنه يجلب الخير ويحفظ من العين ويجلب البركة وغير ذلك، فيتخذونها تمائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذه القلائد. Donc le hadith suivant c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Abu Bashir al-Ansari رضي الله عنه il raconte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager dans les gens pour en lui disant de ne pas laisser au cou d'un chameau une qilada. Une qilada, c'est ce qu'on met au cou d'un chameau, mais ici, minwatar, c'est-à-dire qui est faite à partir de la corde d'un arc, sans la couper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Arabes, avant l'islam, ils prenaient la corde des arcs qu'ils avaient utilisé pour faire la guerre, et quand ils revenaient de la guerre, ils enlevaient ces cordes et ils les mettaient au cou des chameaux notamment, pour les protéger. Donc ils l'utilisaient comme un talisman, comme un porte-bonheur, en croyant que ça va le protéger, notamment contre le mauvais œil. Donc on appelle ça le qalaïd, ce qu'on met au cou des chameaux, et là, minwatar, c'est-à-dire qui est fait avec un fil, le fil d'un arc, le câble d'un arc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un pour couper toutes ces choses-là du cou des chameaux, pour les enlever. Donc ce qui prouve qu'il a réprimandé cette croyance et cet acte. وعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه فأخذه ثم قطعه فقال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة الشرك فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أتخلف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت يعني عيني فقال إنما ذلك عمل الشيطان كان ينسخها بيده فإذا كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث في السنن، سنن ابن ماجه وغيرها. فانظروا هذا الحديث أو هذا الأثر من ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. امرأته زينب تحكي أنها كانت تحمل في عنقها خيطا يعني كتميمة، فلما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنها منها هذا العمل قطع هذا الخيط، وقال لهم أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، فوصفه بماذا؟ بأنه شرك، كما فعله من؟ كما فعله حذيفة بن اليمان في الحديث السابق. فهنا كلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف هذا العمل وهذا الاعتقاد بأنه شرك، وأوصى أهله فقال أنتم أغنياء، بمعنى لا تحتاجون إلى مثل هذا العمل، لا تحتاجون إلى الشرك. ثم احتج في إنكاره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. الرقى يعني المراد هنا هي الرقى الجاهلية الشركية التي تشتمل على شرك وعلى دعاء الشياطين وذكر أسماء الشياطين وغير ذلك. والتولى هي نوع من السحر، الصرف والعطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمائم من الشرك، فاعتذرت رضي الله عنها فقالت لعبد الله كانت عيني تقذف، يعني عينها مصابة مريضة، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني هي من أجل الشفاء والتداوي كانت تزور رجلا يهوديا فهو يرقى أو يرقي، يعني يرقي في بعض الأشياء في خيط ثم هي تعلق هذا الخيط على عنقها. قالت فإذا رقى سكنت، يعني رقية هذا اليهودي سببت شفاء عينها، فهي اعتذرت فقالت أنت تقول، كأنها تقول أنت تقول إنه من الشرك ولكنه يؤثر ويجلب الشفاء. فرد عليها عبد الله فقال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينسخها بيده فإذا قارها كف عنها، يعني كأن هذا اليهودي يستعين أو يتعامل مع الشيطان، وهكذا السحرة والمشعوذون يستعينون ويتعاملون مع الشياطين. فهذا يعني عبد الله بن مسعود يفسر ويبين، يقول إنما كان الشيطان هو الذي يسبب في عينك المرض، فإذا رقى اليهودي يكف، يعني يحبس. لماذا؟ من أجل أن تعتقد هي أن رقى اليهودي هي التي تؤثر وهي التي تشفي، فهمتم؟ فالشيطان له مكايد من أجل أن يجر الإنسان إلى الشرك. فانظروا حكمة عبد الله بن مسعود، وهذه الحكمة موجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تشبه أقوال وأفعال عبد الله بن مسعود العديدة أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قرأنا آثار عبد الله بن مسعود نجد مثل أسلوب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي حكمته، بمعنى أنه تأثر كثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني انظروا الحكمة، من جانب ينهاها عن شيء ولكن في الجانب الآخر يجعل مكان هذا الشيء بدل، يعني يصرفها عن الشرك ويوجهها إلى رب العالمين، يجعلها تترك التعلق بهذا اليهودي وبالشياطين وبالاعتقاد الباطل ويعلقها بربها. فهكذا الداعي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا وأراد أن يعني يزيله ويذهبه يحاول أن يجد في الدين شيئا بدله، لأنه إذا جاء للناس وقال اتركوا مثلا هذا الشيء أو هذا الكلام سوف يقع نقص في الناس، يعني الناس تعلقوا بهذا الشيء فيحتاجون إلى شيء بدل هذا الشيء، يعني شيئا حلال شيئا نافعا. فمثلا تحرم الله سبحانه وتعالى حرم على الناس الخمر، ولكن في المقابل أحل لنا كل المشارب بأنواعها التي لا تسكر من الفواكه وغيرها. فكذلك الداعي، انظروا هنا حكمة عبد الله بن مسعود، يعني ينهى عن شيء ولكن مباشرة يوجهها إلى الصواب، فيجعل بدل عملها واعتقادها عملا واعتقادا آخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي إذن لا تبقى هكذا تترك هذا العمل وهذه التميمة ولكن تبقى هكذا لا تدري ماذا تفعل، لا، يوجهها إلى فعل تفعلها بدل هذا الفعل المنكر. هذا من حكمة الدعوة ومن حكمة السنه ومن حكمه عبد الله بن مسعود. فما هذا البدل الذي وجهها اليه؟ هو دعاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الناس، او اذهب الباس، لا اذهب الناس، اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي. فانظروا هنا توسل في هذا الدعاء باسماء الله سبحانه وتعالى، وبفعل من افعاله الشفاء، وباسم من اسمائه الشافي. لا شفاء الا شفاؤك، هذا توحيد، شفاء لا يغادر سقما، هذا دعاء جميل يخرج من مشكاة النبوة، فهذا بدل عن هذه الأعمال والاعتقادات الباطلة. فلا يكفي أن تقول للناس اتركوا التمائم، اتركوا السحرة، اتركوا كذا، ولكن وجههم وعلمهم ما هو موجود في الإسلام من الأشياء التي تجلب الشفاء وتجلب البركة وغير ذلك. Donc le hadith suivant, c'est un hadith qui est... Donc il y a plusieurs versions. En fait, là, on va citer, entre guillemets, comme un compilé de toutes ces versions, qui est dans Sunan, notamment Sunan ibn Majah. C'est Zainab, qui était la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Elle dit qu'une fois, Abdullah, il a vu dans son cou, donc à elle, un fil. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Et elle a dit, c'est un fil dans lequel on a lu pour moi. Ruqya, c'est-à-dire, on a fait une ruqya, on a lu des prières dans ce fil pour moi. Alors Abdullah, il l'a pris et il l'a coupé. Et il lui a dit, oh, vous, la famille de Abdullah, vous n'avez pas besoin du shirk. Donc regardez, premièrement, si on analyse le hadith point par point, il lui a dit, première chose, que c'était du shirk. Comme Huzaifa tout à l'heure avec l'homme qui avait un fil dans son bras. Donc là, ça confirme encore. Ibn Mas'ud, il a qualifié ça comme étant du shirk. Et aussi, pareil, il lui a coupé directement. Ensuite, il a argumenté, quand il l'a blâmé, il a argumenté ce qu'il disait par un hadith. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, les incantations, les talismans et la tiwala font partie du shirk. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith? Que les talismans font partie du shirk. Donc, il a considéré ce qu'elle venait de faire comme faisant partie de al-tama'im, c'est-à-dire des talismans. À part ça, bien sûr, il y a deux autres points qui sont cités dans le hadith. Le premier, c'est Ar-Ruqa, puisqu'elle a dit on a fait une incantation dans ce fil pour moi. Et dans le hadith, il y a le fait que les incantations sont du shirk. Bien sûr, Ar-Ruqa ici qui est concerné, c'est les Ruqa, c'est-à-dire les incantations telles qu'il les faisait avant l'islam, et qui comportent le nom, le fait de mentionner les noms des shayatin, des démons, ou de les implorer et de chercher leur aide, etc. Donc ce genre de ruqa, c'est ça qui est du shirk. Et aussi il a cité at-tiwala. At-tiwala, c'est ce qu'on appelle aussi sarf al-atf, c'est le fait de faire une magie, une sorcellerie qui fera que l'homme il sera attiré ou dévié de sa femme. Donc soit il va être comme un légume devant elle, ou soit au contraire il va l'acheter de la maison. On appelle ça tiwala ou bien sarf al-atf. Donc regardez, ensuite elle s'est excusée. Elle s'est expliquée et elle a dit, elle explique qu'elle avait un problème à son œil, et elle dit, j'allais voir régulièrement un tel, le juif, et quand il faisait son incantation, mon œil il se calmait. Donc c'est comme si elle lui disait, tu dis que c'est du shirk, mais ça marchait. Et ça, combien de gens ils le font ça? Quand tu leur dis, ouais, arrête ton talisman, ils disent, ouais, mais avec ce talisman-là, j'ai eu mes examens, j'ai eu mon permis. Je saute plus haut, je cours plus vite. Ça, on le voit, ça. Quand je vais au match de foot, je mets deux buts, etc. Ça, si je le mets pas, je suis fatigué, etc. Ça, on le voit. Les gens, ils s'excusent par ça. Comme Zainab, elle a fait ici, radiallahu anha. C'est-à-dire, elle a expliqué ça, elle aussi. Elle a dit, mais ça marche. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il lui a expliqué comment ça fonctionne. Et il lui a dit, ça, c'est un acte du diable. C'est lui qui te faisait ce mal avec sa main. Et quand le juif récite son incantation, il enlève sa main. Donc c'est pas parce qu'il a peur du juif ou que l'incantation du juif, c'est une guérison, c'est pas ça. C'est parce qu'il travaille avec lui. Et qu'il veut que l'être humain il tombe dans le shirk. Donc pour qu'elle croie à cette personne, quand la personne elle va lire, lui il va enlever sa main. Donc elle, comment elle va traduire ça? Ben, quand lui il lit, moi je guéris. Alors qu'en fait, c'est pas qu'elle guérit, c'est que le shaitan, il arrête de lui faire du mal. À cause de sa relation avec ce sorcier juif. Et c'est ainsi qu'ils travaillent les sorciers. C'est qu'ils sont en relation, en coopération avec les chayatines. Donc ils ont ce genre de tromperie. Et ce genre de ruse pour essayer de dévier l'être humain et de le rendre comme un esclave des sorciers et du shirk. Donc il lui a expliqué. Mais regardez la suite. Yani, c'est très intéressant dans ce hadith, la façon dont Abdullah ibn Mas'ud il lui a fait da'wah. Et la sagesse qu'il y a dedans. Et c'est une sagesse, la façon dont il s'est exprimé ici, et dont il lui a parlé, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ils l'ont dit certains savants, Abdullah ibn Mas'ud, souvent, dans ses paroles ou dans ses actes, on dirait presque que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ça ressemble énormément aux paroles et aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il sait, il a énormément profité et il s'est beaucoup imprégné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il lui a fait ici comme da'wah? Il lui a dit, il te suffit de dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et il lui a cité une da'wah. Donc ça c'est la hikmah de Abdullah ibn Mas'ud. Mais déjà c'est la hikmah qu'il y a dans la sunnah, avant que ce soit la hikmah d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est que quand quelqu'un il fait da'wah et qu'il veut interdire quelque chose à quelqu'un, il doit aussi, en tout cas c'est mieux, qu'il connaisse quelque chose en échange qui est halal et qui est dans l'islam. Par exemple, bon, l'exemple est un peu, parce qu'il n'est pas terrible, mais par exemple, on va interdire à quelqu'un l'alcool, on va lui dire, regarde, en échange, Allah nous a autorisé toutes les boissons. Même si la personne, elle le sait déjà, c'est pour ça que l'exemple n'est pas extraordinaire. Mais c'est ainsi de suite. Quand on interdit quelque chose à quelqu'un, il faut essayer de lui trouver quelque chose en échange qui est licite. Pour pas qu'il reste comme ça vide. Parce que dans cette chose, il la faisait pour un certain intérêt. Donc si cet intérêt, il peut le retrouver dans quelque chose de halal, il faut essayer de l'orienter vers cette chose-là. Donc regardez par exemple ici Zainab, la femme d'Ibn Mas'ud. Pourquoi elle allait voir ce sorcier? C'était pas pour le plaisir. C'était pour une guérison. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il lui a expliqué quelque chose qui, dans l'islam, va répondre à son intérêt et va répondre à sa demande, autant que, ou même mieux, que ce sorcier. Donc il lui a remplacé son shirk par une dua. Donc il l'a détourné du fait d'être accroché à un être humain et trompé par un être humain au fait de s'accrocher et de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez comment il remplace. Il lui interdit un truc et il l'oriente vers un autre qui existe dans l'islam. Ça, c'est une des grandes sagesses qu'il y a à faire dans la da'wah. C'est pas toujours évident, mais on doit s'y efforcer le plus possible, selon nos connaissances. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu aurais dû dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Adhihi bil ba's, rabban nas, fais partir le mal, au toi le Dieu des hommes. » Donc, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. « Et guéris, car c'est toi al-shafi, c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse pas de maladie. » Donc regardez en plus cette dua, comme on a dit que la ruqya, shirkiya, c'est le fait d'utiliser les noms des shayatines et d'implorer les shayatines, regardez cette dua pleine de tawhid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on retrouve le nom d'Allah, Rabbun Nas, ou alors Ash-Shafi, celui qui guérit, où on retrouve un acte, il a cité un des actes d'Allah. Quand il lui a dit Ishfi anta shafi, c'est à la fois un nom et un acte, c'est-à-dire que c'est toi qui guéris. On retrouve le tawhid quand il lui a dit la shifa illa shifa'uk. Il n'y a pas d'autre guérison que la tienne. Donc tout ça, c'est une sorte de tawassul. C'est-à-dire, il a pris comme intermédiaire dans sa dua les noms d'Allah et les qualités d'Allah. Ne regardez pas avec des gros yeux parce que je suis le seul qui a l'air de thé. فننتقل إلى الحديث الآتي عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظ فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا رويفع هذا الصحابي يسمى رويفع. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رويفعا كان من أواخر الصحابة موتا كما نبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وعقد اللحية عمل جاهلي، يعني العرب في الجاهلية كانوا يعقدون اللحية، يعني يأخذون اللحية ويعملون عقد في اللحية، وهذا يعني يفعلونه استكبارا، وكثيرا ما كانوا يفعلونه في الحروب خاصة، فهو يعني عادة جاهلية وتشبه بأهل الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أو تقلد وترا، تقلد وترا بمعنى اتخذ القلائد من الأوتار، وهذا قرأناه في الحديث السابق. فيعني هذا هو المقطع المهم الذي يهمنا من هذا الحديث، أنه نهى عن تقلد الأوتار، يعني نوع من التمائم. أو استنجى برجيع أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فانظروا الأساليب المختلفة كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. هنا قال: فإن محمدا بريء منه. في الحديث الآخر قال: إنه من الشرك، إن التمائم من الشرك. في الحديث الآخر قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. كذلك نهى عنه بالفعل لما أمر رسولا أن يقطع القلائد، يعني عدة أساليب تدل على المنع من هذا العمل. Donc le dernier hadith sur les talismans qu'on va lire, c'est un compagnon qui s'appelait Rouaifia. Et il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Rouaifia, peut-être que tu vivras longtemps. La'alla, la'alla, c'est-à-dire j'espère ou peut-être que tu vivras longtemps. Et effectivement, en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'était une prédiction. Car Rouaifia fait partie des derniers compagnons à être mort. Il fait partie de ceux qui ont vécu le plus longtemps parmi les sahabes. Donc il lui a dit: je pense que tu, on dit, pense ou j'espère que tu vas vivre longtemps. Donc informe les gens que celui qui fait un nœud à sa barbe, ou alors qui accroche la corde d'un arc à son cou, ou plutôt au cou d'un chameau, ou qui se nettoie après avoir fait ses besoins avec un crottin ou un os, eh bien Mohammed est innocent de lui. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: je me dégage de lui. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce hadith? On a trois choses. Donc c'est une qui nous concerne. Les deux autres, c'est le fait de faire un nœud à sa barbe. Donc ça, c'est une habitude qu'ils avaient, les Arabes, avant l'islam, pendant les guerres, et c'était pour montrer une sorte d'orgueil. Ils faisaient des nœuds dans leur barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, notamment pour l'orgueil que ça comporte, et aussi parce que c'est une ressemblance donc aux associateurs. L'autre chose qu'il a interdite ici, c'est de se nettoyer les parties intimes avec un crottin ou avec un os. Et celle qui nous intéresse, c'est quand il a dit « autaqallada watara », c'est-à-dire de mettre au cou des chameaux la corde d'un arc, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une sorte de talisman, une façon de faire un talisman, c'est-à-dire de croire qu'un objet va te protéger. Et regardez aussi tous les hadiths qu'on a vus, les différentes façons dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette pratique. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: celui qui le fait, je suis innocent de lui. Dans l'autre hadith, il a dit: celui qui le fait, il a commis du shirk. Dans un autre hadith, il a dit: ceci fait partie du shirk. Dans un autre hadith, il n'a rien dit, mais il a envoyé quelqu'un pour le couper, pour l'enlever du cou des chameaux. Donc il a utilisé plusieurs moyens et plusieurs expressions différentes pour interdire cette chose. وقبل أن ننتقل للمخالفة الثانية، يعني نقول له: الذي يتعلق التمائم قد يكون عمله شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر في الحالة التالية: إذا اعتقد أن هذا الشيء الذي يتعلقه أو يحمله أو يعلقه على غيره، يحفظه أو يجلب الخير أو غير ذلك من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا كما شرحنا من قبل قد جعل هذا الشيء هذه التميمة بمنزلة رب العالمين في جلب الخير وفي دفع الشر فيخرج من الإسلام كأنه يعتقد وجود رب آخر وإله آخر يتصرف في الكون مع الله أو من دون الله ويكون شركا أفخر في حالة أخرى إذا اعتقد أن الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو الله ولكن هذه التميمة سبب لذلك يعني يعتقد أن كونه يحمل هذه التميمة سبب ليحفظه الله سبحانه وتعالى أو ليجلب الله الخير والشفاء والبركة وغير ذلك فلو سألته من الذي يحفظك يقول الله لو سألته من الذي يجلب الشفاء يقول الله ولكن يقول هذه التميمة هي السبب في أن الله سبحانه وتعالى يرزقني أو يشفيني أو يحفظني من العين أو من السحر أو غير ذلك فيعتمد شيئا ما على سبب خيالي سبب في الواقع ليس سببا فهذا وجه كونه شركا أصغر لأنه في ذهنه يعني يتخيل شيئا سببا وليس بسبب فيعتمد على سبب وليس بسبب يعتمد على شيء كالريح فلذلك هو شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام لأنه لم يشرك بالله سبحانه وتعالى ولكن افترى شيئا ما افترى على الله سبحانه وتعالى فعلق أفعال الله سبحانه وتعالى بشيء لا حقيقة له واعتقد واعتمد على سبب ليس سببا في الواقع. Donc avant de passer au point suivant, il faut donner une explication sur le jugement de cet acte. Parce que le fait de faire ça, on a dit c'est du shirk. Mais on sait que le shirk, ça peut être shirk akbar ou shirk asghar. C'est-à-dire du shirk majeur, qui fait sortir la personne de l'islam, et du shirk mineur, qui s'appelle du shirk, mais la personne elle reste musulmane. Quand est-ce qu'il sera ainsi et quand est-ce qu'il sera ainsi ? Il sera du shirk akbar, c'est-à-dire du grand shirk, du grand polythéisme, qui fait sortir de l'islam, dans le cas où la personne croit que cet objet qu'elle porte, c'est cet objet en lui-même qui lui rapporte du bien ou qui repousse du mal. Elle pense que cet objet, c'est lui qui l'a guéri, par exemple. C'est lui qui la protège du haïm, ou qui la protège des djinns. Si elle croit ça, alors elle aura mis cet objet à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si elle croyait à quelqu'un d'autre qu'Allah qui gère dans l'univers et qui a la même capacité sur certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il sort de l'islam. Par contre, ça sera du shirk asghar, c'est-à-dire du shirk mineur, dans un deuxième cas. C'est dans le cas où lui, il croit que celui qui ramène le bien ou qui repousse le mal, c'est Allah. Mais il croit que le fait de porter cet objet, c'est une cause pour qu'Allah lui ramène du bien ou repousse du mal. Donc si tu lui demandais à cette deuxième personne, c'est qui te protège ? Il va dire c'est Allah. C'est qui te ramène la guérison ? Il va te dire c'est Allah. Mais il te dit, Allah le fait parce que je porte cette chose-là. Parce que je mets ma main de Fatima, ou parce que j'ai mon gris-gris, Allah il m'a donné la guérison, ou il m'a protégé du haï. Donc il croit bien que c'est Allah qui le fait. Mais que le sabab, c'est cette chose-là. Donc pourquoi c'est du shirk asghar ? C'est du shirk mineur. Il n'a pas clairement associé quelque chose à Allah. Mais il a commis plusieurs choses qui sont du shirk asghar. Il a relié les actes d'Allah à une cause qui n'a rien à voir avec les actes d'Allah. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, quand je fais ça, Allah fait ça. Alors que c'est faux. Il a inventé sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah n'a jamais dit, ni dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit dans aucun hadith, que celui qui va porter telle chose, Allah va le protéger. Donc il a rattaché les actes d'Allah à une cause qui en vérité n'a rien à voir avec les actes d'Allah. Et aussi, il se repose et il pratique un sabab, c'est-à-dire une cause pour arriver à son but, qui dans la réalité n'est pas une cause. C'est une cause imaginaire. Par exemple, si j'ai mal aux têtes et je vais prendre un doliprane. Le Doliprane, c'est un sabab. Est-ce que c'est un vrai sabab? Oui. Il a un effet sur le maux de tête, par la permission d'Allah. Mais là, le sabab, il n'a rien à voir avec la chose que la personne, elle veut. Ni ça ramène la guérison, ni rien du tout. Donc il se repose et il utilise un sabab, alors que ce sabab, il est imaginaire. Il n'est pas du tout un sabab. Donc c'est ça qui fait que les savants ont dit, dans ce cas-là, ça sera du shirk asra. Même si malheureusement, la plupart du temps, les gens, ils font le premier. Wallahu a'lam. Allez, dans ce que je vois, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils portent un talisman, ils croient que c'est le talisman lui-même qui va les protéger. Donc là, c'est vraiment grave. On peut aussi parler, avant que ce soit l'heure de la prière, donc finalement, on va parler que des talismans aujourd'hui, du talisman à partir du Coran. Parce que les savants ont divergé sur ce sujet. Donc le talisman, s'il est fait à partir du Coran, c'est-à-dire que j'écris par exemple le Fatiha, Ayat al-Kursi, et je le porte pour être protégé. Ça, c'est moins grave. Déjà, on n'est plus dans le sujet comme on parlait maintenant, dans la même gravité. C'est moins grave. Pourquoi ? Parce que les sahaba, radiallahu anhum, ikhtalafu. C'est-à-dire, ils ont divergé sur cette question. Certains parmi les sahaba, ils le toléraient. Ils permettaient qu'une personne, elle porte une écriture du Coran en pensant que ça va la protéger. C'est-à-dire qu'Allah va la protéger. Et d'autres sahaba l'ont interdit. Et la plupart des ulama, en tout cas les ulama actuels, dans leur cours de tawhid, ils disent l'opinion la plus probante dans les deux, c'est que c'est interdit. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les hadiths qu'on vient de lire, il a interdit les talismans de façon générale. Et à aucun moment il a dit illa tamaim at-tamaim allati fiha al-Qur'an. Alors que, regardez par exemple al-Ruqya. Al-Ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, il a dit al-Ruqya, comme le hadith qu'on a lu tout à l'heure, inna al-Ruqya min al-Shirk. Il a dit que l'exorcisme, l'incantation, c'est du shirk. Mais dans d'autres hadiths, il a montré qu'il y a une ruqya qui est permise. C'est laquelle ? C'est celle dans laquelle on va lire le Coran. Et on va lire des du'as. Ça aussi, ça s'appelle ruqya. Et c'est permis. Donc quand il nous a interdit le ruqya, il nous a également montré qu'il y a une sorte de ruqya qui est permise. C'est la ruqya shar'iyya. Alors que là, il a interdit les talismans. Et à aucun moment, il nous dit de l'autre côté, sauf certains talismans, qui sont shara'iyya, tama'im shara'iyya. Il n'a pas fait de différence. Il a interdit les tama'im de façon complète. Donc on ne peut pas nous venir après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dire, sauf al-tama'im min al-Qur'an. Parce que les hadiths, ils sont, on dit, le hadith am, il est général. Donc si on veut sortir quelque chose de ce am, eh ben, il faut une preuve. Il faut un dalil, c'est-à-dire un autre hadith. Aussi pourquoi, admettons que, on va dire, oui, mais les sahaba, ils ont quand même divergé. Admettons que on pourrait dire que c'est permis. On va quand même l'interdire. Pourquoi ? Pour la précaution. Pour une des bases de l'islam qu'on appelle saddu dhara'i, le fait de fermer les portes aux moyens qui mènent à des choses interdites. Donc l'islam, il nous a appris, si on observe l'islam de façon générale, on voit que l'islam, il interdit des choses. Et il interdit aussi certaines choses qui sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles mènent à quelque chose de mauvais. Comme par exemple, on l'a vu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier ou de faire un lieu de prière sur la tombe d'un homme. Pourquoi ? Même si on a dit qu'il n'y a pas de shirk, parce que la personne elle va prier Allah, parce que ça va mener au shirk. Donc les savants disent de la même façon, si on s'amuse à dire aux gens que c'est permis de faire les talismans avec le Coran, au début, ils vont faire les talismans avec le Coran, et petit à petit, ils vont pencher vers les talismans shirkiya, vers les mauvais talismans, comme on le voit. D'ailleurs, certains sorciers, ils utilisent cette chose-là. C'est que quand tu vas chez lui, il écrit d'abord du Coran, et après, ça commence les carrés, les étoiles, les scorpions, les mille et une nuits. Ça devient, à côté du Coran, t'as un beau dessin. Et tout. Donc, il utilise le fait que toi, tu te dis, bon ben c'est l'étalissement du Coran, comme ça t'as confiance, et après il te rajoute son abracadabra, comme ils disent. Ça, sa magie, sa sorcellerie. Donc il mélange le vrai avec le faux. Alors que si on avait dit aujourd'hui dès le départ, les talismans c'est haram, ben, il ne serait pas tombé dans le piège. Il n'aurait pas pu faire ça. Si dans l'esprit des gens, ils se disent que les talismans, même du Coran, c'est haram, ils ne tomberont plus dans le piège des sorciers. Il ne pourra plus leur dire, oui, mais regarde, moi j'écris du Coran. Parce qu'on va lui dire, ben, même si tu écris du Coran, c'est haram. Donc on s'en fiche, on va mettre de côté. Donc ça ferme une porte aux sorciers et ça ferme une porte au shirk. Une autre raison aussi, c'est que ça peut semer une confusion dans l'esprit des gens. Si, par exemple, les jeunes qui vont à la mosquée, ou les jeunes ou les moins jeunes, ceux qui apprennent la religion et qui écoutent les cours, ils disent, bon, ben, j'ai le droit de mettre un talisman du Coran. Si on disait que c'est halal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se balader dehors avec un petit collier, avec une poche. Mais celui qui est dehors, lui, il ne sait pas que c'est du Coran. Qu'est-ce qu'il va croire? Il va dire, bachouf, le hajj, celui qui va à la mosquée, il y a un talisman à son cou. Donc moi, pour mes problèmes, moi aussi, je vais me faire un talisman. Et il va aller voir le sorcier, et le sorcier, il va lui faire un vrai talisman de shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas fait, lui, la différence. Donc si les gens de la religion, ils commencent à dire que c'est halal, les talismans du Coran, ça va semer une confusion qui fait que beaucoup de gens, ils vont tomber dans les mauvais talismans. C'est parce qu'ils ne feront pas la différence. Et aussi parce que ça amène à diminuer la valeur du Coran. Parce que le fait de prendre le Coran comme quelque chose qu'on accroche à son cou, ça diminue de sa valeur. Parce que le Coran, il n'a pas été descendu pour accrocher. Le Coran, il a été descendu pour qu'on le lise, on l'apprenne et on l'applique. C'est ça, c'est pour ça qu'il a été descendu. Le fait qu'il soit au cou des gens, et peut-être qu'il va être en train de regarder de la télé, ou d'écouter de la musique, ou d'aller aux toilettes, alors qu'autour de lui, autour de son cou, il y a le Coran, ça, il y a quelque chose de, on appelle ça l'imtihan. C'est un rabaissement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour le sujet des talismans. Après, les autres sujets, c'était at-tabarruk, le fait de, par exemple, chercher la baraka dans un objet en le touchant comme ça, ou alors at-tatayyur, la superstition, ou alors al-istisqa bil anwa, le fait de dire la pluie elle est tombée parce que l'étoile elle était dans telle constellation, ou alors al-riya, l'ostentation. Il y avait encore d'autres choses, on les fera un autre samedi, inshallah. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه